C'est triste, mais il est clair. C'est triste, mais il est clair. C'est triste, mais il est clair. C'est triste, mais il est clair. Que le cannibalisme est nécessaire. C'est triste, mais il est clair. Que le cannibalisme est nécessaire.